How to be an MC. Ok. Rétignon, passement de jambes. Futur panda, on frappe en pleine lucarne. Écoute, les sombreros. ISF loqué sur le maillot, c'est le mercato. Tous les clubs s'arrachent le joyau. La clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Le crack de ces prochaines années se prénomme Rétignon. ISF loqué sur le maillot, c'est le mercato. Tous les clubs s'arrachent le joyau. La clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Le crack de ces prochaines années se prénomme Rétignon. Que je mouille le maillot ou pas, je fais la diff. Frappe des 30 mètres, je m'en vais vers le public, lui faire la bise. ISF, une défense de fer, attaque de feu. Black Coutinho, le best au poste de meneur de jeu. Crampons qu'il soit, vissé ou moulé, les tacles se font à la gorge. Je ne chaufferai pas le banc, je suis programmé pour le ballon d'or. L'arrogance d'un Cristiano, je mets tout le monde d'accord, je rassemble les blancs, les noirs comme les touches d'un piano. 91 buts à moi seul, j'explose le goal à verrage. Comme Messi, toutes les défenses du monde je terrasse. Élevé par Zinedine, mes punchlines sont des roulettes. Des frappes à la Roberto, fait Bellec à des coucougnettes. Rétignon, prodige des côtés dans la favela. Certains joueurs vont quitter le navire comme Fadela. Un peu perso, c'est mon côté, Ibrahimovic. Qu'on ne me décerne pas le ballon d'or, je trouverais ça illogique. ISF loqué sur le maillot, c'est le mercato. Tous les clubs s'arrachent le joyau. La clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Le crack de ces prochaines années se prénomme Rétignon. ISF loqué sur le maillot, c'est le mercato. Tous les clubs s'arrachent le joyau. La clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Le crack de ces prochaines années se prénomme Rétignon. Rétignon. Eh ouais les mecs. Eh ouais, le futur ballon d'or. Ouais, le rap c'est un peu comme le foot, tu vois. Il y a les titulaires incontestables et il y a le banc de touche. Moi je suis un titulaire incontestable. Numéro 10 floqué sur le maillot. Fanatique de Zizou. Ouais, fanatique de Zizou. Ouais, c'est Zizou qui m'a pris à rapper. Ah ouais les mecs. Ouais. Vous voyez comment ça se passe. Des punchlines, hein, des sombreros, des roulettes, des grands ponts, des petits ponts. Y'a tout ici, c'est ISF Team. Futur ballon d'or. Rétignon.